les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, Marthe Robert se proposait de raconter, dans une série de 28 émissions intitulée « La révolution psychanalytique », les grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Freud, à travers un choix de textes lus par des comédiens. Dans les 15e et 16e moments de ce récit au long cours, elle s'intéressait à l'année 1905, marquée par la parution de trois ouvrages. Les trois essais sur la théorie sexuelle, d'abord, dans lequel Freud exposait pour la première fois sa conception de la sexualité infantile, les fragments d'une analyse d'hystérie, soit le récit de la cure de la patiente qu'il appelait Dora, et enfin le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, analyse originale des processus psychiques à l'œuvre dans les jeux de mots, les blagues et l'humour en général. Si ce dernier ouvrage ne suscita que peu de passion, les deux premiers firent scandale pour des raisons exposées et analysées dans ces deux émissions diffusées pour la première fois sur France 3 National les 30 mars et 6 avril 1963. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans La théorie de la sexualité. L'accueil presque favorable réservé à la psychopathologie de la vie quotidienne semblait ouvrir à la psychanalyse une ère nouvelle de pénétration pacifique. Mais ce début de réconciliation n'eut pas de suite, car l'année d'après, les trois essais sur la théorie de la sexualité vinrent compromettre, pour très longtemps, les relations de Freud avec le public. Tandis que la science des rêves avait été regardée comme un tissu de chimères ou d'absurdes contes de bonnes femmes, les trois essais firent franchement scandale, et Freud, de pseudo-savant qu'il était, passa désormais pour un esprit obscène et dangereux. Assurément, aucun de ses livres n'accumula sur sa tête autant de bêtises et de haine. Les titres des trois essais, les aberrations sexuelles, la sexualité infantile, les transformations de la puberté, suffisent à faire saisir la cause de l'indignation générale qui autrement paraîtrait difficilement concevable. Quelle que fût l'hypocrisie du temps sur ce chapitre, et elle était grande assurément, la sexualité ne pouvait malgré tout être entièrement chassée de la science. Qu'on le voulût ou non, la sexologie existait. Des ouvrages comme la psychopathia sexualiste de Kraft et Bing l'avaient prouvé sans trop de tumulte. Ce n'était donc pas à proprement parler le sujet qui indignait, mais le fait que Freud, rompant avec les catalogues de perversions et d'aberrations propres à la sexologie, abolissait toute frontière entre le normal et le pervers, et surtout entre la sexualité de l'adulte et la prétendue innocence de l'enfant. Pour autant qu'elle décrivait et classait des anomalies, la sexologie n'avait rien d'inquiétant, puisque le lecteur normal y trouvait une preuve de sa santé. Au contraire, les trois essais de Freud renvoyait à l'homme une image intolérable où il refusait de reconnaître ses propres traits. À l'idée conventionnelle d'une sexualité apparaissant à un moment donné de la vie humaine, la puberté, avec toute son intégrité et ses normes, Freud opposait la notion d'un instinct sexuel originel tendant à se satisfaire dès le premier âge de la vie et appelé à passer par toutes sortes de stades intermédiaires avant de servir à la reproduction. Cette conception supposait un élargissement considérable de la notion même de sexualité, qui, en partie libérée de sa dépendance étroite à l'égard des organes génitaux, devenait une fonction corporelle embrassant l'ensemble de l'être et, comme lui, susceptible d'une évolution compliquée. Elle permettait aussi d'englober des faits sexuels jugés jusque-là anormaux ou inexistants, ceux qui touchaient les enfants et les prétendus pervers, et de classer les phénomènes aberrants non plus selon la façon plus ou moins révoltante dont ils s'écartent de la norme, mais en fonction de l'évolution de la libido dont, dans chaque cas, il marque précisément l'arrêt. Le propos de Freud, dans les trois essais, n'est pas de définir la sexualité, mais de montrer, à travers l'étude des perversions et des névroses, que la définition usuelle ne rend compte de la réalité que si l'on ôte toute existence aux innombrables cas aberrants. Dire que la sexualité a pour but l'union charnelle de deux personnes de sexe opposé, c'est soustraire à l'étude toutes les déviations qui prouvent justement que par nature, l'instinct sexuel n'est obligatoirement lié ni au but ni à l'objet amoureux défini comme norme. Freud, au contraire, propose d'étudier la sexualité normale à partir de ces déviations fréquentes où l'instinct s'affranchit si remarquablement de sa prétendue finalité. Après avoir classé les perversions en deux groupes, selon qu'elles ont trait au partenaire désigné ici comme objet érotique, c'est le cas de l'homosexualité, ou au but, c'est le cas du fétichisme, de l'exhibitionnisme et du voyeurisme, du sadisme et du masochisme, etc., Freud constate qu'elles existent toutes, jusqu'à un certain point, dans l'activité de l'individu normal. L'homosexualité, dit-il, mérite à peine d'être appelée perversion. Elle procède de la constitution bisexuelle commune à tous, et il n'y a guère de névropathe chez qui l'analyse ne permette de découvrir une part d'inversion dans le choix de l'objet sexuel. Quant aux autres perversions, celles qui paraissent le plus contre nature et provoquent communément l'aversion, Freud en dit: ce sont peut-être les perversions les plus répugnantes qui accusent le mieux la participation du psychisme dans la transformation de la tendance sexuelle. Quelque horrible que soit le résultat, on y retrouve une part d'activité psychique qui correspond à une idéalisation de la tendance sexuelle. La toute-puissance de l'amour ne se manifeste jamais plus fortement que dans ses égarements. Ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus bas dans la sexualité montre partout les rapports les plus intimes. Du ciel à travers le monde, jusqu'à l'enfer. Régulièrement, l'analyse des névropathes met à découvert des tendances perverses relatives soit au but sexuel, soit au choix de l'objet amoureux. La seule différence entre le pervers et le névrosé est que l'un satisfait ses désirs dans la réalité, tandis que l'autre, dominé par la pudeur, le dégoût et un sentiment inconscient de culpabilité, les refoule de telle sorte qu'il ne peut les accomplir compenser. C'est ce qui justifie la formule célèbre de Freud, selon laquelle la perversion est le négatif de la névrose. Le destin sexuel de l'individu qui fait de lui tantôt un pervers, tantôt un névrosé, tantôt encore un homme normal, et le plus souvent une personnalité mixte où ces trois types psychologiques coexistent, est déterminé tout à la fois par des dispositions constitutionnelles et par les circonstances en quelque sorte historiques qui précocement ont présidé au développement de sa psyché. Le problème de la sexualité infantile occupe tout le deuxième chapitre, de beaucoup le plus original. Freud cherche d'abord à comprendre pourquoi ce problème passe généralement inaperçu, quand il n'est pas simplement nié. C'est que l'immense majorité des hommes oublie radicalement les premières années de leur existence et avec elles, les violentes émotions du premier âge, si décisives pour la formation de leur personnalité. Cette amnésie générale explique que l'activité sexuelle des enfants, pourtant facilement observable, ait été si longtemps ignorée des éducateurs et des parents. Dès le début de la vie, l'enfant est apte à ressentir des sensations voluptueuses. Ses instincts sexuels se développent progressivement jusqu'à l'âge de 4 ans environ, puis jusqu'à la puberté connaissent un arrêt, une période d'apaisement qui va de la 5e à la 11e année. C'est ce que Freud appelle la période de latence, en reprenant un terme proposé par Fliess. Cette interruption, plus ou moins totale selon les individus, semble être le privilège distinctif du petit animal humain. Elle est à l'origine du remarquable processus dit de sublimation, grâce à quoi les instincts sexuels laissés sans emploi peuvent être détournés de leur but et se mettre au service de toutes sortes d'activités créatrices profitables à la société. Avec l'accomplissement sexuel normal, la perversion et la névrose, la sublimation est l'une des grandes issues possibles à l'évolution de la libido, soumise par nature à quantité de risques et dramatiquement compliquée. La liaison entre les perversions et la sexualité infantile est établie par une conception des instincts, appelée plus souvent « pulsion » en français, pour rendre le mot allemand de « trieb » imparfaitement traduisible. Ce qui distingue ces pulsions entre elles et leur confère un caractère spécifique, c'est leur source et leur but. La source est toujours une excitation quelconque venue d'une partie du corps. Le but est l'apaisement de cette excitation. Le corps comprend des zones érogènes, ainsi appelées par analogie avec les zones hystérogènes dont on parle souvent à propos de l'hystérie, qui peuvent être le siège de sensations érotiques. Chez le nourrisson, ces zones érogènes couvrent en quelque sorte le corps tout entier. Certaines, néanmoins, sont toujours beaucoup plus sensibles que d'autres. Ce sont, par exemple, les orifices alimentaires et les organes génitaux. Les organes génitaux de l'enfant étant insuffisamment développés, ils ne jouent qu'un rôle relativement faible dans les manifestations précoces de la sexualité infantile. C'est là l'origine du malentendu entre Freud et ses censeurs, qui donnaient au mot de sexualité le sens que Freud propose de réserver au dernier stade du développement, celui de la génitalité accomplie. Avant d'être au service de la reproduction, la libido trouve le moyen de s'exprimer et de s'accomplir en s'appuyant sur des fonctions organiques non sexuelles, mais essentielles au maintien de la vie. Ainsi, le nourrisson tire du plaisir de l'absorption de sa nourriture, qui, d'une part, supprime la tension douloureuse de la faim, et d'autre part, s'accompagne d'une succion en elle-même voluptueuse. Suivant en cela d'autres auteurs, Freud voit dans la succion le premier plaisir sexuel de l'enfant. Nous dirons que les lèvres de l'enfant ont joué le rôle de zone érogène et que l'excitation provoquée par l'afflux du lait chaud a causé le plaisir. Au début, la satisfaction de la zone érogène était étroitement liée à l'apaisement de la faim. L'activité sexuelle s'est d'abord étayée sur une fonction servant à conserver la vie, dont elle ne s'est rendue indépendante que plus tard. Quand on a vu l'enfant rassasié abandonner le sein, retomber dans les bras de sa mère, puis, les joues rouges, s'endormir avec un sourire heureux, on ne peut s'empêcher de se dire que cette image reste le modèle et l'expression de la satisfaction sexuelle qu'il connaîtra plus tard. Mais bientôt, le besoin de retrouver la satisfaction sexuelle se séparera du besoin de nutrition, et la séparation sera devenue inévitable dès la période de dentition, lorsque la nourriture ne sera plus seulement tétée, mais mâchée. À ce moment, l'enfant ne suce plus un objet extérieur à son corps, mais une partie de son propre épiderme plus accessible, en quoi il se rend indépendant du monde extérieur qu'il n'est pas encore apte à dominer. En outre, il crée ainsi une autre zone érogène de moindre valeur toutefois que la première. L'insuffisance de cette seconde zone sera l'une des raisons qui pousseront l'enfant à rechercher une partie de valeur équivalente. Les lèvres d'une autre personne. C'est comme s'il disait « Hélas, je ne puis me baiser ». À cette phase d'organisation dite « orale », à cause du rôle prépondérant qui joue les muqueuses des lèvres et de la bouche, succède, sans toutefois y mettre fin complètement, une seconde phase où la zone érogène essentielle est un autre orifice alimentaire, l'anus. Cette seconde phase, appelée sadicanale parce qu'elle est liée à un comportement agressif de l'enfant, présente exactement les mêmes caractéristiques que la première. Elle s'appuie sur une fonction physiologique essentielle. Son but est déterminé par l'activité d'une zone érogène et elle est auto-érotique puisqu'elle se passe de tout objet sexuel. L'érotisme anal, lié principalement à la rétention des matières fécales, qui provoque une excitation accrue de la muqueuse, est appelé à jouer un rôle décisif dans la formation ultérieure du caractère. Vu le manque de maturité des organes correspondants, l'activité proprement génitale de l'enfant ne peut se donner libre cours que sous la forme de l'onanisme infantile, dont l'apparition et la disparition correspondent à des phases distinctes. La première phase a lieu au temps de l'allaitement, la deuxième pendant la courte période où l'enfant s'épanouit sexuellement vers la quatrième année. La troisième, enfin, la seule qui ait depuis toujours retenu l'attention des observateurs, au moment de la puberté. Entre 2 et 5 ans, toutefois, il n'est pas rare que l'enfant éprouve un attrait érotique pour une personne déterminée de son entourage. C'est ce qui fait de cette période, malgré le caractère incertain du choix de l'objet, l'une des plus importantes parmi celles qui précèdent la formation sexuelle définitive. Ainsi, pendant les premières années de sa vie, l'enfant trouve en lui-même la source de son plaisir et son besoin d'assouvissement ne connaît ni loi ni frein. Il est au plus haut point dépourvu de pudeur. Il aime s'exhiber et découvrir le corps des autres. Il peut prendre plaisir à la souffrance qu'il inflige comme à celle qu'il subit. Il est, on l'a dit souvent, cruel par nature et sans pitié. En somme, tout se passe comme s'il possédait une disposition innée à la perversion et même à ses formes les plus révoltantes pour le goût et la morale. La seule différence entre l'enfant et l'adulte perverti est que le premier est disponible pour toutes les sortes de satisfactions qui s'offrent, tandis que le second est électivement fixé à une déviation donnée. C'est ce qu'exprime la célèbre formule de Freud qui définit l'enfant comme un pervers polymorphe. Aucune de ces idées ne fit autant de tapage et ne souleva autant de protestations indignées que cette définition, pourtant visiblement exempte de tout jugement moral. Freud fut accusé de souiller la pureté sacrée de l'enfance et de calomnier l'homme en remplaçant la bienheureuse innocence de ses débuts par une sombre histoire tissée d'inconcevables horreurs. Ce que faisant, on oubliait naturellement que bien avant lui, des écrivains sincères et courageux, Schopenhauer et Rousseau par exemple, avaient pour leur part découvert d'étranges choses dans ce paradis de l'enfance si nécessaire à la morale bourgeoise et aux conventions de la poésie. On ne voyait pas non plus, mais sans doute ne voulait-on pas le voir, qu'une idée proposée comme instrument de travail, en quelque sorte à l'usage du laboratoire, n'impliquait pas nécessairement la moralité de son inventeur, pas plus qu'elle n'avait à concorder avec ses propres désirs et la délicatesse de ses sentiments. Freud, qui plus tard rapporta l'analyse d'un petit garçon de 5 ans, le célèbre petit Hans, avec un amour, une tendresse, un respect que l'on eût pu souhaiter à tous ses critiques, dut donc souffrir de passer communément pour un monstre et renoncer à être entendu. En se rapportant aux controverses de l'époque, on s'étonne que tant de gens se soient indignés et que si peu aient été sensibles à la description freudienne de ce combat grandiose pour la maturité et la santé où l'enfant est engagé par force dès l'aube de la vie. Plus faible et désarmé que le petit animal auquel il ressemble encore, l'enfant doit affronter quantité d'épreuves dans lesquelles, vu le caractère inachevé de son organisation et la faiblesse de ses moyens, il est sans cesse menacé d'échouer ou de ne réussir qu'en partie. À peine né, la vie lui impose des tâches écrasantes, lui demande des accomplissements, des renoncements, pour lesquels ni son développement physique, ni son organisation mentale ne lui donnent d'outils appropriés. Ainsi, chaque fois qu'il lui faut s'adapter à un nouvel état, il doit renoncer au bonheur de l'état ancien, bonheur auquel il a d'autant plus de peine à s'arracher qu'il était complet, et que le plaisir y était lié à un sentiment de sécurité absolue. Après s'être détaché du sein maternel, au prix de quelles souffrances parfois, il lui faut devenir propre, c'est-à-dire renoncer aux satisfactions intenses que lui procuraient les produits de son propre corps, substituer au premier attrait le dégoût, à la liberté, la pudeur et la gêne. Un peu plus tard, ses relations avec ses parents sont bouleversées par le complexe d'Édipe, qui lui fait vivre son premier amour et sa première haine. Le bonheur de sa vie dépend pour une grande part de la façon dont il résout ce conflit primitif, où il est seul à lutter. Et de même qu'il ne peut mûrir qu'en se détachant peu à peu des objets qu'il a aimés, de même, il n'atteint son plein épanouissement intellectuel qu'en disjoignant sa curiosité de la sexualité qui en était d'abord la cause pour la porter sur les multiples objets du monde. La puberté n'est que la dernière de ces étapes franchies par à coup au prix de douloureux renoncements. Elle replace pour un temps l'adolescent dans la sphère érotique de son enfance, dont la prohibition de l'inceste l'oblige pourtant à se séparer. Comme le héros des contes de fées, qui erre solitaire dans une forêt enchantée, il ne réussit son périlleux passage que s'il parvient à quitter la maison paternelle sans y laisser son cœur ni regarder derrière lui. À considérer cette évolution lente que tant d'obstacles risquent de faire dévier, on serait enclin à s'étonner que des individus puissent l'accomplir sans trop d'accidents jusqu'au bout et devenir des êtres équilibrés, capables d'amour, disposant librement de leurs possibilités d'action et de pensée. Aux yeux du psychanalyste, de tels individus sont évidemment rares. Ce sont ceux qui ont réussi à fondre harmonieusement, ensemble, les indestructibles tendances de la sexualité infantile pour les faire servir à la totalité de leur vie affective. Quant aux autres, dont des prédispositions constitutionnelles, des accidents familiaux et toutes sortes de causes complexes ont arrêté ou fait régresser le développement, ils relèvent plus ou moins gravement de la pathologie. À moins qu'ils ne soient doués pour changer leur difficulté d'être en une œuvre, une action, une pensée génératrice de beauté et de culture. Les trois essais sur la théorie de la sexualité ne sont que la première pierre de l'édifice auquel Freud a travaillé toute sa vie. L'édition de 1905 a du reste été sans cesse augmentée au cours des années, et Freud en reprend les idées dans des ouvrages ultérieurs, par exemple dans ses premières conférences et son autobiographie. Certains problèmes posés dans les trois essais n'ont été résolus que beaucoup plus tard. Des idées que Freud y avait jetées sans les approfondir ont été le point de départ de nombreux travaux de ses élèves, mais le livre est resté ce qu'il était dès le début, l'inébranlable fondement de la théorie. Non seulement le temps ne l'a pas entamé, mais il a confirmé, jusque dans les moindres détails, l'exactitude de ses vues. Depuis plus de 50 ans, en effet, d'innombrables observations pratiquées directement sur les enfants, spécialement sur les nourrissons, ont confirmé régulièrement les constatations surprenantes à quoi Freud avait été conduit uniquement par l'analyse de ces malades adultes. Ce qui, en 1905, passait pour le produit d'une imagination malsaine, est maintenant admis par les spécialistes et même par une bonne part de l'opinion publique comme une incontestable vérité scientifique. Ces trois essais, si décriés, sont l'une des causes directes du changement irréversible qui, au cours du dernier demi-siècle, s'est produit dans l'éducation de la petite enfance comme dans les méthodes de la pédagogie. Les détracteurs de Freud n'eussent pu recevoir de meilleurs démentis. Les analyses d'enfants commencèrent vers 1908. Le pasteur suisse Oscar Pfister fut le premier à les pratiquer. Il conçut une pédagogie inspirée des théories freudiennes, à quoi il donna le nom de pédanalyse et se dévoua avec une foi enthousiaste toute sa vie. Nous avons déjà parlé de l'amitié de Freud pour cet homme qu'il appelait son cher homme de Dieu, bien que, par la force des choses, il fût loin de partager toutes ses idées. Pfister était théologien et philosophe. Sa foi religieuse resta ardente et vraie. Jamais elle n'entra en conflit avec ses convictions freudiennes, qui, plus tard cependant, l'exposèrent à de très graves démêlés avec ses supérieurs ecclésiastiques. Freud admirait infiniment son amour de la vie, sa gaieté, sa vigueur. Il porta tout de suite un intérêt très vif à ses travaux pédagogiques, bien que, à cette époque, il fût encore assez sceptique quant aux applications pratiques de sa théorie. Dès 1908, Pfister avait publié un article sur les idées délirantes et le suicide des écoliers. Freud lui écrivit pour la première fois à ce sujet. Je voudrais encore vous dire ma satisfaction en voyant que nos recherches psychiatriques ont trouvé accueil chez un pasteur ayant librement accès à tant d'âmes jeunes et intactes. Nous avons coutume de reprocher à notre psychanalyse, à moitié par plaisanterie, mais aussi tout à fait sérieusement, d'exiger un état normal pour que son emploi soit possible, et de trouver une limite dans les anomalies organisées de la vie psychique de sorte que ses conditions d'application trouvent leur optimum là où elle est inutile, chez l'homme sain. Eh bien, j'aimerais croire que cet optimum sera atteint dans les conditions où vous travaillez. Freud reprochait parfois à Pfister de se montrer un peu pusillanime, du moins en parole, dans les questions touchant la sexualité. Pfister tenait le plus grand compte de ses remarques, mais, de son côté, reprochait à Freud de sous-estimer l'importance de la sublimation, grâce à quoi, selon lui, la cure psychanalytique pouvait prendre une haute valeur éducative. Par tempérament peut-être, ou comme il le dit, à cause des expériences décevantes qu'il avait faites avec ses propres malades, Freud restait assez pessimiste sur ce point. Il est certain qu'un succès durable de la psychanalyse dépend des deux issues qu'elle parvient à se frayer. L'une est la voie de la satisfaction libidinale, l'autre, la maîtrise et la sublimation de la pulsion récalcitrante. Si nous avons plus de chance avec la première, cela tient en grande partie à notre matériel qui est souvent de qualité inférieure. Nos malades sont des gens qui souffrent beaucoup depuis très longtemps et n'attendent pas du médecin une élévation morale. Vous avez devant vous des êtres jeunes, en proie à des conflits tout frais, des êtres qui, fixés sur votre personne, sont prêts à la sublimation et notamment à la forme la plus commode dont elle soit susceptible, la sublimation religieuse. Vous ne doutez pas, je suppose, que vos succès soient obtenus tout d'abord par le même moyen que les nôtres, le transfert érotique sur votre personne. Vous avez la chance de pouvoir conduire ce transfert jusqu'à Dieu et de rétablir ainsi ces temps heureux, heureux du moins sur ce point où la foi religieuse étouffait la névrose. Pour nous, cette issue n'existe pas. Notre clientèle, de quelque origine qu'elle soit, est irreligieuse. Nous le sommes aussi nous-mêmes pour la plupart de façon tout à fait radicale, et comme les autres voies de la sublimation qui nous tiennent lieu de religion ne sont pas accessibles à la majorité de nos patients, notre cure se déroule le plus souvent dans le sens d'une issue par la satisfaction. En outre, nous ne voyons rien de mal ou d'interdit dans la satisfaction sexuelle en soi. Au contraire, nous la reconnaissons comme une part précieuse de l'activité vitale. Vous savez que ce que nous appelons érotisme inclut ce que vous autres directeurs de conscience appelez amour. C'est quelque chose qui ne veut pas du tout se limiter à la grossière jouissance des sens. Ainsi, nos malades doivent chercher auprès des autres hommes ce que nous ne pouvons pas leur promettre dans une sphère plus élevée et devons leur refuser en notre propre personne. C'est pourquoi, naturellement, notre tâche est beaucoup plus lourde. Et, au moment de la rupture du transfert, nous voyons maint succès nous échapper. Le pessimisme de Freud quant aux possibilités d'élever ses malades se retrouve dans son scepticisme à l'égard de l'éducation. Le propos qu'on lui prête à ce sujet n'est peut-être pas authentique, mais il contient sans doute un fond de vérité. Comme une maman lui demandait ce qu'il fallait faire pour élever les enfants d'une façon rationnelle, conforme aux idées de la science psychanalytique, il répondit, paraît-il, « Faites comme vous voulez, de toute façon, ce sera mal. » Pourtant, en 1907, il défendit âprement dans un article la nécessité d'une éducation sexuelle éclairée, proportionnée à la curiosité et à l'intelligence de l'enfant. C'est à cette occasion qu'il cita pour la première fois le petit Hans, appelé ici Herbert, dont il devait publier le cas peu après. À l'âge de 3 ans, le petit Hans, un garçon extrêmement éveillé, avait percé tout seul le secret de la naissance de sa sœur et, de la sorte, confirmé les idées de Freud sur la curiosité sexuelle des enfants. Le petit Hans est le premier enfant qui ait été traité et guéri par le moyen de l'analyse. À l'âge de 5 ans, il fut atteint d'une grave phobie, portant principalement sur les chevaux, qui le conduisit peu à peu à ne plus sortir du tout de chez lui. Les parents de l'enfant comptaient depuis plusieurs années parmi les premiers adeptes de Freud, qui avait soigné la jeune femme avant son mariage. Le père assistait assidûment à ses conférences. Ce fut lui, et non pas Freud, qui prit la direction de l'analyse. Freud n'eut avec le petit Hans qu'un seul entretien. Mais il avait de nombreuses conversations avec le père, qui consentit à ce que le cas fût publié. C'est le texte célèbre, intitulé « Analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans », l'un des 5 exposés de cas qui forment la part purement clinique de l'œuvre de Freud. Freud avait suivi avec une attention passionnée le travail intelligent, mais nécessairement fort peu orthodoxe du père. À sa grande surprise, l'analyse réussit complètement, et 14 ans plus tard, il eut certainement l'un des plus grands plaisirs qu'il put éprouver en recevant la visite du petit Hans, devenu un beau et robuste jeune homme. Chose remarquable, le jeune homme se souvenait de Freud, mais tout souvenir de l'analyse s'était effacé de sa mémoire. Le succès de cette première analyse infantile ne changea rien au doute de Freud sur les possibilités techniques du procédé. Il le dit dès les premières lignes de son exposé. Aucune autre personne que le père, je pense, ne serait parvenue à obtenir de l'enfant de tels aveux. Les connaissances techniques, grâce auxquelles le père a pu interpréter les dires de son fils de 5 ans, étaient indispensables. Sans elles, les difficultés techniques d'une psychanalyse à un âge si tendre seraient demeurées insurmontables. Seule la réunion de l'autorité paternelle et de l'autorité médicale en une seule personne et la rencontre en celle-ci d'un intérêt dicté par la tendresse et un intérêt d'ordre scientifique permirent, dans ce cas, de faire de la méthode une application à quoi sans cela elle n'eût pas été apte. L'extraordinaire développement de l'analyse infantile et de toutes les techniques psychothérapeutiques qui s'en inspirent a montré que, une fois au moins, la perspicacité ordinaire de Freud s'est trouvée en défaut sur un point important. Faut-il penser qu'après avoir poussé l'exploration du psychisme enfantin jusqu'à un degré inconnu jusqu'alors, des raisons intérieures, restes de scrupules ou inhibitions, lui interdisaient d'aller lui-même plus loin? Le fait est qu'à l'égard de ce domaine de la recherche, où s'illustrèrent des femmes remarquables comme Helga Hugelmut et Melanie Klein, il fit preuve toute sa vie d'une singulière réserve. Que ce fût prudence ou méfiance à l'égard de l'étude des phénomènes les plus obscurs des processus psychiques précoces, Freud ne se départit jamais tout à fait de cette attitude sceptique, qui tenait aussi à son exigence classique de certitude et de clarté. C'est à peine si la vocation et la carrière brillante de sa fille Anna lui permirent de l'atténuer. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Jean Muselli et Jean Topard dans La théorie de la sexualité. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 30 mars 1963. Tout de suite, le 16e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, René Farabet, Alain Mottet et Jean Muselli dans deux œuvres de 1905. Thank you. Le scandale des trois essais sur la théorie de la sexualité trouva un aliment supplémentaire dans l'exposé clinique que Freud publia la même année sous le titre de « Fragments d'une analyse d'hystérie ». Outre les raisons ordinaires d'indignation, l'analyse de Dora suscitait des reproches apparemment mieux fondés, puisque Freud, rompant avec la discrétion obligée du médecin, y révélait des détails très intimes sur sa patiente, une jeune fille de 18 ans dont il publiait le cas sans autorisation. Cette attitude parut d'autant plus injustifiable que l'analyse, fondée principalement sur l'interprétation de deux rêves révélateurs, mettait à jour des tendances perverses que les bienséances et la morale courante interdisaient de prêter à une jeune fille. L'émoi fut tel qu'il brouilla la vue des critiques. L'un d'eux, malgré la clarté du texte, resta persuadé que Dora avait 14 ans. Freud avait beaucoup hésité avant de livrer à la publication ce travail qui devait confirmer tout à la fois sa théorie du rêve et les principes déjà posés dans les études sur l'hystérie. Il garda le texte 6 ans par-devers lui, attendant qu'un changement se fût produit dans l'existence de la jeune fille et qu'elle fût moins sensible au rappel de cette période de sa vie. Dora vivait dans une petite ville de province et était complètement inconnue à Vienne. Elle n'apprit l'existence de la publication qu'en 1923 par un psychanalyste à qui elle parla du traitement de Freud et qui, bien entendu, n'eut pas de peine à l'identifier. Freud devait être d'autant plus touché par le reproche d'indiscrétion qu'il y était en général fort sensible. Comme il le dit lui-même dans un passage du rêve « Non vixit ». Pour l'éviter, il avait cherché un nom qui garantit entièrement l'anonymat de la jeune fille et qui, d'autre part, n'eut pour personne de son entourage un sens désobligeant. Il explique dans un passage de la psychopathologie de la vie quotidienne pourquoi, de l'infinité des prénoms possibles, un seul, celui de Dora, s'était imposé à lui. En reconstituant l'observation d'une de mes malades en vue de sa publication, je me demande quel prénom je vais lui donner. Le choix paraît très grand. Sans doute certains noms sont exclus d'avance, en premier lieu le vrai nom de la malade, ensuite les noms des membres de ma propre famille dont l'emploi me choquerait, enfin quelques autres noms de femmes trop bizarres ou trop prétentieux. D'ailleurs, je n'ai pas à me préoccuper outre mesure, je n'ai qu'à attendre. Les noms féminins viendront en foule. Mais, au lieu d'une foule, un seul nom vient s'offrir, et aucun autre avec lui. Celui de Dora. Je cherche son déterminisme, qui donc s'appelle Dora. La première idée qui me vient à l'esprit et que je pourrais être tenté de repousser comme invraisemblable est que c'est le nom de la bonne d'enfant de ma sœur. Mais je suis trop exercé dans l'analyse pour céder à ce premier mouvement. Je maintiens donc cette idée et je continue. Je me rappelle alors un petit incident survenu la veille au soir et qui m'apporte le déterminisme cherché. J'ai vu sur la table de la salle à manger de ma sœur une lettre portant l'adresse à Mademoiselle Rosa W. Étonné, je demande qui s'appelle ainsi et j'apprends que celle que tout le monde appelait Dora se nommait en réalité Rosa, nom auquel elle avait renoncé en entrant au service de ma sœur, parce que celle-ci s'appelait Rosa également. Je dis attristé, ces pauvres gens, même leur nom, ils ne peuvent pas le conserver. Je me rappelle que je suis resté alors silencieux quelques instants, pensant à toutes sortes de choses sérieuses qui se perdirent dans le vague, mais dont je pourrais maintenant facilement prendre conscience. Le lendemain, cherchant un nom pour une personne qui ne pouvait pas conserver son nom réel, seule Dora me vint à l'esprit. Cette exclusivité repose d'ailleurs sur une solide association de contenu, car dans l'histoire de ma malade, une personne étrangère à la maison, une gouvernante, jouait un rôle décisif dans l'évolution du traitement. L'observation de Dora était la première où Freud, affirmant la primauté de l'intérêt scientifique sur les principes de la morale médicale, prenait sur lui de tout dire, sans même atténuer la crudité des mots. Contrairement à ce que pensaient ses confrères, une telle décision lui coûtait. Pendant des années, il en garda une certaine gêne qui se traduisit un jour par un acte symptomatique. Ce petit incident eut, plusieurs années après, une suite inattendue. Un jour, faisant une conférence où j'avais à parler du cas de Dora, depuis longtemps publié, je m'avisai qu'une de mes deux auditrices portait ce nom qui revenait si souvent dans mon exposé. Je m'excusai donc auprès de ma jeune collègue, que je connaissais d'ailleurs personnellement, en lui disant que je n'avais vraiment pas pensé qu'elle s'appelait aussi Dora, mais que j'étais prêt à remplacer ce nom par un autre. Il me fallait donc faire rapidement un choix, en prenant garde de ne pas tomber sur le prénom de l'autre auditrice, ce qui eût été d'un mauvais exemple pour les deux jeunes collègues déjà assez versés dans la psychanalyse. Aussi fus-je très content de trouver pour remplacer Dora le nom de Erna, dont je me servis dans mon exposé. Après la conférence, je me demandais d'où Erna avait bien pu me venir. Et je ne pus m'empêcher de rire en constatant que l'éventualité redoutée avait quand même réussi à se réaliser, tout au moins en partie. L'autre dame en effet s'appelait de son nom de famille Lucerna, dont Erna est un fragment. Dans son avant-propos au cas de Dora, Freud expose les raisons qui l'empêchent de tenir compte des considérations de discrétion, non seulement dans son travail analytique, mais dans la publication de ses écrits. Que cette explication n'ait pas satisfait le public, il ne faut pas s'en étonner, puisqu'elle ne parvint jamais à convaincre complètement certains de ses disciples. La publication de mes observations reste pour moi un problème difficile à résoudre, même dans les cas où je ne tiendrai pas compte des gens mal intentionnés et incompréhensifs. Les difficultés sont d'ordre technique et, en outre, découlent de la nature même des circonstances. S'il est exact que l'hystérie a sa source dans l'intimité de la vie psychique sexuelle des malades et que les symptômes hystériques sont l'expression de leurs désirs les plus profondément refoulés, l'éclaircissement d'un cas d'hystérie doit dévoiler cette intimité et trahir ses secrets. Il est certain que les malades n'auraient jamais parlé s'ils avaient pensé à la possibilité d'une exploitation scientifique de leurs aveux, et tout aussi sûrement c'est en vain qu'on leur aurait demandé l'autorisation de les publier. Des personnes scrupuleuses aussi bien que des timides dans ces conditions mettraient au premier plan le devoir de discrétion médicale et regretteraient de ne pouvoir rendre service à la science en l'éclairant. Cependant, je suis d'avis que le médecin a des devoirs non seulement envers le malade, mais aussi envers la science. Envers la science, cela veut dire, au fond, envers beaucoup d'autres malades qui souffrent du même mal ou en souffriront. La publication de ce qu'on croit savoir sur la cause et la structure de l'hystérie devient un devoir. L'omission, une lâcheté honteuse. À condition toutefois que l'on parvienne à épargner à son malade un préjudice direct. Je crois avoir tout fait pour épargner un pareil préjudice à ma patiente. Après avoir rappelé que seul un de ses confrères, probablement Wilhelm Fliss, avait eu connaissance du traitement de Dora et qu'il en avait différé la publication pendant plusieurs années, Freud conclut son avant-propos sur le ton ferme, un peu hautain et triste aussi, que lui inspire la nécessité humiliante de se justifier. Je sais que, tout au moins dans cette ville, il y a nombre de médecins qui, cela est assez répugnant, voudront lire cette observation non pas comme une contribution à la psychologie de la névrose, mais comme un roman à clé destiné à leur divertissement. Je puis affirmer aux lecteurs de ce genre que toutes les observations que je pourrai publier ultérieurement seront en mesure, grâce aux mêmes garanties de secret, d'échapper à leur perspicacité, bien que de ce fait, l'utilisation de mes matériaux doive subir une limitation extrême. Dans cette observation, la seule que m'est permise, les restrictions exigées par le secret professionnel et les circonstances défavorables, les rapports sexuels sont franchement discutés. Les fonctions et les organes sexuels sont appelés par leur nom, et d'après mon exposé, le lecteur pudique pourra se convaincre que je n'ai pas reculé devant la discussion avec une jeune fille de tel sujet et en un tel langage. Faut-il me justifier aussi de cette accusation ? Je revendique tout simplement les droits du gynécologue, ou plutôt des droits beaucoup plus modestes. Supposer que de pareilles conversations fournissent un bon moyen d'excitation et d'assouvissement sexuel serait l'indice d'une étrange et perverse lubricité. Et Freud finit par une citation tirée d'un livre de Richard Schmidt, Contribution à l'érotique de l'Inde. Il est lamentable de devoir faire une place dans un ouvrage scientifique à des protestations et déclarations de ce genre, mais qu'on ne m'en fasse pas le reproche à moi, qu'on accuse plutôt l'esprit du temps, grâce auquel nous en sommes venus à un heureux âge où aucun livre sérieux n'est sûr de vivre. Freud se trompait en pensant qu'aucun malade ne consentirait à la publication de son cas. Les autres observations qui, avec l'analyse des mémoires du président Schreber, constituent le recueil de ses exposés cliniques, furent publiées avec l'autorisation expresse des intéressés. Le père du petit Hans, l'homme au loup et l'homme au rat, qui s'étaient mis ainsi spontanément au service de la cause. Il est du reste remarquable que la psychanalyse, à ses débuts, ait trouvé plus d'aide et de compréhension chez les malades qu'auprès des médecins et des psychiatres. Certains patients célèbres, comme l'homme au loup, eussent pu même revendiquer une part de ses progrès. Les problèmes touchant la vie intime des sujets et le parti pris catégorique de Freud en faveur d'une indiscrétion scientifiquement motivée ne causaient pas des remous seulement au dehors. Freud put se convaincre qu'ils agitaient aussi certains de ses disciples et que les Suisses, en particulier, n'acceptaient pas sans peine de braver l'opinion publique en passant outre à toutes les convenances. Dès 1909, bien avant sa rupture avec Freud, donc, Jung confiait à Ernest Jones qu'il trouvait inutile de laisser les patients s'attarder sur des détails répugnants. Il était ensuite fort désagréable de les rencontrer dans le monde. Mieux valait se borner à effleurer ces sujets, les patients comprendraient sans qu'on fût obligé d'en parler crûment. De même, le pasteur Pfister, malgré le courage avec lequel il affronta la colère de ses supérieurs, ne pouvait pas toujours se résoudre à rendre compte sans détour de ses cas cliniques. Freud lui en fit le reproche dans une lettre où il affirme une fois de plus l'importance de sa propre règle. « Selon moi, votre analyse souffre du péché originel, de la vertu. Elle est l'œuvre d'un homme convenable qui, par conséquent, se croit tenu à la discrétion. Or, les choses psychanalytiques ne se comprennent que si elles sont relativement complètes et détaillées. De même que l'analyse elle-même ne marche que si le patient descend de ses abstractions de remplacement jusqu'aux plus petits détails. Il s'ensuit que la discrétion est incompatible avec un bon compte-rendu d'analyste. Il faut devenir un sale type, s'exposer, se compromettre, se trahir, se comporter comme un artiste qui prend l'argent du ménage pour acheter des couleurs ou brûle les meubles pour faire du feu à son modèle. On ne peut rien accomplir de vrai sans être un brin criminel. » Outre les raisons dictées par les scrupules moraux et les règles professionnelles, Freud aurait pu avoir un autre motif de ne pas livrer le cas de Dora à la publicité. D'abord, en effet, le compte-rendu de l'analyse était très fragmentaire, puisqu'il se limitait à l'interprétation détaillée de deux rêves et pouvait facilement passer pour n'être pas probant. Ensuite, la cure de la jeune fille, interrompue au bout de 3 mois, était bien loin d'être un succès. C'était même un exemple assez fâcheux d'échec, dont Freud savait bien qu'on pourrait se servir contre lui. La jeune fille, qui souffrait d'une petite hystérie, avec toux nerveuses, aphonie, migraine, dépression, l'avait quitté débarrassé de ses symptômes, mais nullement guéri. Et en 1905, Freud connaissait assez son état pour ne pas se faire d'illusions sur les effets de la cure. Une vraie guérison eût été de toute façon impossible après un traitement de 3 mois, mais Freud l'avait compromise à son insu par des erreurs techniques dues à l'inévitable insuffisance de sa théorie. C'est justement pour tirer un enseignement de ses erreurs qu'après bien des hésitations, il s'était résolu à publier le cas. L'un des premiers, où il n'eut pas visé seulement une guérison symptomatique, mais, en laissant à la malade la liberté totale de ses associations, à comprendre les causes et la structure de la maladie. Les différences entre les cas traités dans les études sur l'hystérie et l'observation de Dora s'expliquent par ce changement de méthode qui, de façon inattendue, déplaçait le centre de la cure. Jusque-là, en effet, le traitement tournait principalement autour des symptômes à supprimer. Celui de Dora obligea Freud à approfondir sa conception du transfert, phénomène dont il connaissait depuis longtemps l'existence, mais dont il n'avait pas encore saisi pleinement le rôle décisif. L'échec relatif de la cure était dû pour la plus grande part à cette méconnaissance de son ressort principal, dont Freud, après coup, put mesurer tous les effets. Que sont donc ces transferts? Ce sont des nouvelles éditions, des copies de tendances et de fantasmes qui doivent être rendues conscients, réveillées par les progrès de l'analyse, et dont le trait caractéristique est de remplacer une personne antérieurement connue par la personne du médecin. Certains transferts ne diffèrent en rien de leur modèle quant à leur contenu, sauf en ce qui touche la personne remplacée. En se servant de la même métaphore, on dira que ce sont de simples rééditions stéréotypées, des réimpressions. D'autres sont faits avec plus d'art, ils ont subi une atténuation de leur contenu, une sublimation, comme je dis, et sont même capables de venir à la conscience en s'étayant sur une particularité réelle, habilement utilisée, de la personne du médecin ou des circonstances qui l'entourent. Ce ne sont plus alors des réimpressions, mais des éditions revues et corrigées. Les travaux ultérieurs des psychanalystes montreront que le transfert est un phénomène général, qui intervient avec plus ou moins de force dans la plupart des relations humaines. Pour l'instant, Freud constate seulement qu'il existe toujours dans les relations des malades avec les médecins et qu'il est responsable tant de l'échec que de la réussite de maints traitements. La cure psychanalytique ne crée pas le transfert. Elle ne fait que le démasquer, comme les autres phénomènes psychiques cachés. Sa différence avec les autres cures ne se manifeste qu'en ceci. Au cours d'autres traitements, le malade n'évoque que des transferts affectueux et amicaux favorables à sa guérison. Quand il ne le peut pas, il se détache aussi vite que possible du médecin qui ne lui est pas sympathique et sans s'être laissé influencer par lui. Dans le traitement psychanalytique, en revanche, et ceci tient encore à une autre motivation, toutes les tendances, même les tendances hostiles, doivent être réveillées, utilisées pour l'analyse en étant rendues conscientes. C'est ainsi que le transfert est sans cesse détruit. Destiné à être le plus grand obstacle à la psychanalyse, il devient son plus puissant auxiliaire si, chaque fois, on réussit à le deviner et à en livrer le sens au malade. L'histoire de Dora contient une leçon très profitable à la pratique psychanalytique aussi bien qu'au développement de sa théorie. C'est que la moindre erreur d'appréciation, la moindre incompréhension ou négligence dans l'utilisation du transfert entraîne une sanction plus ou moins immédiate qui, dans les cas extrêmes, est tout simplement la fuite du malade. Mal éclairée sur ses sentiments profonds, Dora avait su se venger de son médecin par le moyen auquel main névrosée recourt inconsciemment, en refusant de guérir, ce qui revenait à lui montrer sur sa propre personne combien il était au-dessous de sa tâche et, en réalité, impuissant. Autant le fragment d'analyse d'une hystérie avait fait de tapage, autant le livre de Freud publié presque aussitôt après sur le mot d'esprit souleva peu de passion. L'ouvrage, qui traite du langage et de l'esthétique, est du reste d'une lecture ardue. C'est le moins bien compris, et aujourd'hui encore, le moins lu des livres de Freud. Comme une bonne part des mots cités en exemple se rendent mal dans d'autres langues, c'est aussi le moins souvent traduit. Cette étude tout à fait étrangère à la psychopathologie semble être née d'une remarque de Fliss, qui s'étonnait de trouver dans les lettres de Freud tant d'histoires drôles, de jeux de mots et de mauvaises plaisanteries. Freud s'en excusait en alléguant la fréquence de ses productions verbales spontanées dans les associations et les récits de rêves de ses patients. Pourtant, il finit par se demander pourquoi l'on retrouvait si souvent des créations de ce genre parmi les matériaux inconscients et s'il n'y avait pas un lien jusque-là insoupçonné entre ces derniers et les mots d'esprit ordinaires. En 1897, il déclare à Fliss qu'il a trouvé la solution du problème, mais à cette époque, il est entièrement absorbé par la composition de la science des rêves et abandonne le sujet. En 1898, la lecture de l'ouvrage de Theodor Lips, Comique et humour, le stimula à tel point qu'il eut le courage de reprendre son étude. Ce fut le début d'une longue suite de recherches et de méditations poussées qui demandèrent plusieurs années de travail, et cela sur un sujet dont à première vue la psychanalyse ne semblait devoir profiter qu'indirectement. Dans son introduction, Freud justifie le lourd travail que lui a coûté cette recherche apparemment si accessoire et si éloignée de ses préoccupations habituelles. Le thème du mot d'esprit vaut-il de tels efforts? À mon avis, on en saurait douter. Sans parler des considérations personnelles que révélera la suite de ces études et qui m'ont poussé à scruter les problèmes de l'esprit, je puis en appeler à l'étroite solidarité des diverses manifestations psychiques. Cette solidarité est telle que toute acquisition psychologique, aussi lointaine qu'elle puisse paraître, marque une avance de prime abord inestimable dans d'autres domaines de la psychologie. D'autre part, on pourrait faire valoir le charme particulier, la fascination exercée par l'esprit dans notre société. Un mot d'esprit nouveau fait presque l'effet d'un événement d'ordre général. On le colporte de bouche en bouche comme le message de la plus récente victoire. Des hommes en vue eux-mêmes qui considèrent leur passé comme digne d'être révélé, qui nous transmettent les noms des villes et des pays qu'ils ont visités, des personnages importants qu'ils ont fréquentés, ne dédaignent pas d'insérer dans le récit de leur vie certains bons mots qu'ils ont pu glaner au passage. En fait, il n'y a pas tant d'écart qu'on ne croirait entre le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient et les trois essais sur la sexualité, par exemple, auxquels Freud, rappelons-le, travaillait exactement en même temps. Si hétérogènes qu'ils paraissent, les deux ouvrages ont en commun le thème du plaisir, thème freudien par excellence et qui sera bientôt élevé à la hauteur d'un principe. La valeur psychologique du mot d'esprit consiste dans le plaisir qu'il procure et qui, comme tout plaisir, ramène l'adulte tristement raisonnable au jeu de son enfance. Lorsque l'enfant apprend le vocabulaire de sa langue maternelle, il se plaît à expérimenter ce patrimoine de façon ludique. Il accouple les mots sans souci de leur sens, pour jouir du plaisir du rythme et de la rime. Ce plaisir est progressivement interdit à l'enfant, jusqu'au jour où, finalement, seules sont tolérées les associations de mots déterminées par le sens. Mais, avec le progrès de l'âge, il cherche encore à s'affranchir de ces restrictions acquises à l'usage des mots. Il les défigure par certaines fioritures, les altère par certains artifices. Redoublement, tremblement. Il se forge même avec ses camarades une langue conventionnelle. Ces démarches se retrouvent dans certaines catégories de psychopathie. Je pense que, quel qu'ait été le mobile qui ait dicté à l'enfant l'initiative de tel jeu, il s'y prête au cours de son développement ultérieur en pleine conscience de leur absurdité, et pour le seul attrait du fruit défendu par la raison. Il emploie le jeu à secouer le joug de la raison critique. Plus tyranniques encore sont les contraintes que nous impose l'apprentissage du jugement droit et la discrimination du vrai et du faux dans la réalité. Aussi, la tendance à réagir contre la rigueur de la pensée et de la réalité demeure-t-elle chez l'homme profonde et tenace. Dans la dernière partie de l'enfance, et durant la période scolaire qui dépasse la puberté, la critique a pris une telle puissance que le sujet ne se risque plus que rarement à goûter directement au plaisir du non-sens libéré. Il ne se hasarde plus à énoncer de contresens. Mais la tendance foncière du jeune garçon à l'activité intempestive et absurde me paraît dériver en droite ligne du plaisir du non-sens. Dans les cas pathologiques, cette tendance s'exalte souvent au point de recommencer à dominer les discours et les réponses de l'élève. J'ai pu, chez quelques lycéens atteints de névrose, me convaincre que leur raté n'était pas moins imputable à leur attrait inconscient pour le non-sens qu'à leur ignorance réelle. Si le mot d'esprit se rattache à la théorie de la sexualité par la place qui tient la notion même de plaisir, il découle de façon plus immédiate encore de la science des rêves, qui durant toute cette période reste la principale source des trouvailles freudiennes. Cette filiation apparaît déjà dans la composition du livre, qui, comme celle de la science des rêves, traite deux sortes de matériaux distincts, la littérature secondaire sur le sujet et les exemples destinés à illustrer chaque catégorie de phénomène. Les exemples ici sont très nombreux et variés. Ils donnent à l'ouvrage un agrément qui contraste fort avec le sérieux, la minutie parfois un peu pédante de l'analyse. Freud l'épuisait soit dans d'autres recueils, soit dans les réparties de personnalités célèbres, comme ce ministre autrichien, le docteur Unger, à qui il doit ses plus beaux mots. Soit dans le trésor d'écrivains spirituels comme Heine et Lichtenberg, dont la technique spéciale requerrait à elle seule tout un livre. Mais sa principale source était évidemment la tradition juive, à quoi l'attachaient les liens indestructibles de l'enfance et de sa propre condition. Freud prend manifestement grand plaisir à accumuler ces exemples, lesquels du reste sont remarquablement choisis. Il gâche un peu celui du lecteur en serrant de très près les idées philosophiques émises sur le sujet, ce qui embrouille parfois l'exposé de sa théorie. Sans doute s'était-il imposé ce travail méticuleux, comme il l'avait fait dans la science des rêves, pour obéir malgré tout aux règles des publications scientifiques. Ici encore, nous retrouvons une trace de ses difficultés personnelles dans les questions de propriété et de priorité intellectuelle. Chose remarquable du reste, ce n'est pas dans son domaine propre qu'il éprouve surtout ses scrupules, mais dans celle de ses œuvres qui empiètent sur d'autres branches du savoir et, par là, s'exposent aux reproches des spécialistes. Les travaux des auteurs ont ceci d'utile qu'ils permettent à Freud de réduire à l'essentiel les définitions habituelles du rire, du comique, de l'humour ou de la plaisanterie. Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces formes de production verbale dont les mécanismes se laissent si mal saisir? C'est, dit-il, que toutes obéissent au principe de plaisir, et que pour cela, elles se servent d'une certaine technique qui ne leur est nullement réservée, mais comme bien d'autres activités psychiques. Sur plus d'un point, cette technique ressemble étonnamment à l'élaboration et au travail du rêve. Le mot d'esprit n'est rien d'autre que l'élaboration d'un matériel inconscient infantile que l'homme adulte ne peut exprimer sans détour. Pour traduire ces tendances profondes, plaisir pris au non-sens et au jeu gratuit des mots, agressivité défendue par les convenances sociales, il emploie les mêmes procédés techniques qui permettent au rêve de réaliser un désir intempestif ou illicite. Comme le rêve, il transforme des idées en images, condense et déplace ses éléments, et de la sorte, parvient tout à la fois à voiler et à trahir sa pensée. Comme le rêve, il trouve un sens même dans son absurdité. Cette technique commune rapproche étroitement les deux phénomènes, qui, d'autre part, sont loin d'avoir la même importance sociale, car l'on rêve seul, tandis que le mot d'esprit a toujours besoin d'un public. Le rêve est un produit psychique parfaitement asocial. Il n'a rien à communiquer à autrui. Né dans le fort intérieur d'une personne comme un compromis entre des forces psychiques engagées dans un conflit, il reste incompréhensible à cette personne elle-même et, par conséquent, manque totalement d'intérêt pour les autres. Loin d'attacher du prix à sa compréhension, il doit même se garder d'être compris sous peine de se détruire. Il est conditionné par le déguisement. Il peut donc user à son gré du mécanisme qui domine les processus de la pensée inconsciente et, dans ce sens, il va jusqu'à se servir des déformations les plus radicales. L'esprit, au contraire, est la plus sociale des activités psychiques visant à un bénéfice de plaisir. Il nécessite le plus souvent l'intervention de trois personnes et ne complète son cycle que grâce à la participation d'un tiers au processus psychique qu'il a déclenché. Il doit donc être compréhensible. Il n'a le droit d'utiliser la déformation qui peut s'accomplir dans l'inconscient grâce à la condensation et au déplacement que si la compréhension du tiers peut en corriger les effets. Au reste, rêves et mots d'esprit sont issus de sphères entièrement différentes de notre vie psychique et occupent dans le système psychologique des régions très distantes. Malgré ces travestissements, le rêve demeure toujours un désir. L'esprit est un développement du jeu. Malgré son absence de valeur dans la vie pratique, le rêve reste lié aux intérêts primordiaux de notre existence. Il cherche à satisfaire à nos besoins par le détour régressif de l'hallucination. Il doit son admission à la vie psychique au seul besoin qui subsiste à l'état nocturne, celui de dormir. L'esprit, en revanche, cherche à procurer un petit bénéfice de plaisir par l'activité simple et désintéressée de notre appareil psychique. Plus tard, il s'efforce de saisir au vol un bénéfice accessoire de cette activité elle-même, de sorte qu'il acquiert secondairement des fonctions assez importantes orientées vers le monde extérieur. Le rêve sert surtout à épargner le déplaisir, l'esprit à procurer du plaisir. Or, c'est autour de ces deux centres que gravitent toutes nos activités psychiques. RTF France 3 National vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable.